Et, comme dans toutes les affaires, il y a ce qui les prépare, ce qui détermine à les entreprendre et ce qui les fait réussir. La vraie science de l'histoire est de remarquer dans chaque temps ces secrètes dispositions qui ont préparé les grands changements et les conjonctures importantes qui les ont fait arriver. En effet, il faut observer les inclinations et les mœurs, ou, pour dire tout en un mot, le caractère tant des peuples dominants en général que des princes en particulier, et enfin de tous les hommes extraordinaires qui, par l'importance du personnage qu'ils ont eu à faire dans le monde, ont contribué, en bien ou en mal, au changement des États et à la fortune publique. Par là, vous apprendrez ce qu'il est si nécessaire que vous sachiez. La fortune semble seule décider de l'établissement et de la ruine des empires. À tout prendre, il en arrive à peu près comme dans le jeu, où le plus habile l'emporte à la longue. En effet, dans ce jeu sanglant où les peuples ont disputé de l'empire et de la puissance, qui a prévu de plus loin? Qui s'est le plus appliqué? Qui a duré le plus longtemps dans les grands travaux? Et enfin, qui a su le mieux ou pousser ou se ménager suivant la rencontre, à la fin, a eu l'avantage et a fait servir la fortune même à ses desseins. Ainsi, ne vous lassez point d'examiner les causes des grands changements, puisque rien ne servira jamais tant à votre instruction. Mais recherchez-les surtout dans la suite des grands empires, où la grandeur des événements les rend plus palpables.